Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la mésaventure du groupe Harmonium en Californie. It's really nice to be here. It's our first time in the States. I don't know if you heard, but we sing in French. So the next song is, you know, it's all French now. The next song is titled Aujourd'hui je dis bonjour à la vie, which means sacre. Okay. Didn't expect that really. Le 3 octobre 1978, le groupe québécois Harmonium est en spectacle au Starwood, une boîte de nuit de Los Angeles. Le film de Robert Fortier, Harmonium en Californie, dont on vient d'entendre un extrait, raconte ce désormais légendaire voyage d'Harmonium sur la côte ouest américaine. La journaliste Nathalie Petrovski était en Californie en 1978 pour couvrir le passage d'Harmonium dans cet État américain. Nathalie Petrovski, qui va co-animer cet été avec Michel Lacombe l'émission OK Boomer à notre antenne, a accepté de participer à cette série d'émissions où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qu'ils connaissent bien. Nathalie Petrovski, bonjour. Bonjour. Vous l'avez couvert, ce voyage d'Harmonium en Californie à l'époque. Qu'est-ce que ça représente, cet épisode-là, dans l'histoire de la chanson, plus largement, Nathalie Petrovski, dans l'histoire de la culture québécoise? Bien, en fait, ça se passe fin septembre 1978. L'extrait au Starwood, ça, c'est le 3 octobre, mais bon, ça se passe donc fin septembre. La chanson québécoise est en pleine éclosion. Le nationalisme aussi est à son sommet. Il va avoir un référendum dans 2 ans. Et Harmonium, c'est vraiment le groupe de l'heure. C'est le groupe emblématique de l'heure. Il représente toute une génération. Il représente la fierté aussi d'être québécois. Et donc, ils ont été invités dans cette mission californienne parce que c'est un espèce de projet pilote organisé par le ministère des Affaires intergouvernementales. Et donc, ils sont invités à cette semaine de la culture à Berkeley, en Californie, donc en périphérie de San Francisco, où doit aussi aller René Lévesque. Ouais. Parce que, en fait, René Lévesque est en pleine, comment dire, entreprise de séduction des Américains. C'est sûr que quand le PQ a été élu en 76, ben les Américains ont un petit peu friqué, comme on dit. Et là, bon, il a déjà été à New York pour les rassurer. Il fait une espèce de diplomatie tranquille. Et donc, il vient, lui aussi, à Berkeley, assister, bon, à cette semaine, enfin, à quelques jours de la semaine. C'est une semaine culturelle. Et évidemment, il vient aussi pour le spectacle, le concert d'Harmonium qui n'aura pas lieu. Oui, et c'est ça l'astuce. Faites bien de rappeler le contexte, la 76e élection du Parti québécois, avec cet engagement de tenir un référendum. Donc, on est à peu près à mi-chemin, la 76e élection, la semaine du Québec en Californie en 78, 2 ans avant la tenue de la campagne référendaire de 1980 sur la souveraineté. Puis donc, cette entreprise de séduction, l'évêque qui courtise les Américains, oui, qui veut leur parler du Québec, on est beau, on n'est pas dangereux. C'est ça qui veut montrer que le Québec est une société moderne, contemporaine, dynamique, où la culture est en pleine effervescence. Et un groupe comme Harmonium, bon, ils chantent en français, mais leur musique est totalement synchrone avec l'époque, avec tous les groupes progressistes de l'époque, que ce soit Supertramp, King Crimson, Pink Floyd et tout ça. Harmonium est tout à fait dans cette mouvance-là. Alors, donc, on veut montrer que nous autres, ouais, aussi, on sait faire de la musique, quoi. C'est une belle carte de visite, parce que c'est plus sexy, passez-moi l'expression. Faut attirer les journalistes du Québec et des États-Unis. C'est plus intéressant d'amener Harmonium et d'autres groupes, d'autres artistes, ouais, aussi, que juste de présenter René Lévesque tout seul. Oui, mais ce qui est quand même comique dans toute cette histoire-là, c'est que, bon, c'est organisé par le ministère des Affaires intergouvernementales. C'est un projet pilote de 50 000 $ Pour l'époque, c'est beaucoup d'argent. Or, quand ils sont en train de bâtir le volet culturel, ils pensent envoyer la Société de musique contemporaine du Québec et aussi une exposition dont on ne sait pas de trop quel artiste. Et là, il y a quelqu'un qui leur dit, écoutez, là, c'est parce qu'on s'en va sur le campus à Berkeley. C'est des jeunes. Vous n'allez pas leur envoyer la Société de musique contemporaine. Je veux dire, c'est correct, mais... Et donc, finalement, ils décident d'envoyer Harmonium. Je ne pense pas que René Lévesque ait rien à voir avec ça. Lui, il suit un peu. Il s'en va va donc, il doit aller à San Francisco, mais aussi il va aller à Los Angeles aussi. Alors, donc tout ça se met en branle et puis arrive ce fameux jour. Parce que oui, c'est ça, faut dire aussi qu'il y a aussi Pauline Julien, Monique Mercure et Michel Garneau qui sont invités. Oui. Alors, après le concert d'Harmonium, dans la semaine qui suit, eux autres aussi doivent faire des prestations. Sauf que, bon, les journalistes, évidemment, sont venus pour voir l'évêque et pour voir... Enfin, les journalistes québécois. Oui. Parce qu'il n'y a pas tellement de journalistes américains. Mais nous, on est venus pour voir René Lévesque et pour voir Harmonium. Et qu'est-ce qui fait qu'on vous envoie... D'abord, vous en êtes où dans votre carrière, Nathalie Petrovski, à ce moment-là? Puis qu'est-ce qui fait qu'on vous envoie quand même en Californie couvrir Harmonium et René Lévesque? Bien, c'est ça. Bien, en fait, je travaille au Devoir depuis 2 ans. Je suis rentrée comme en 76, donc j'ai 24 ans. Michel Roy, donc, est le rédacteur en chef. C'est un peu mon mentor. Et il sait très bien que je m'intéresse à toutes sortes de sujets culturels, socioculturels. Et bon, comme c'est une semaine culturelle, ben, il décide que c'est moi qu'il doit envoyer. Évidemment, on est invité, hein. C'est pas le Devoir qui paye. Le Devoir, à l'époque, n'avait pas les moyens. Donc, on est probablement invité par le ministère des Affaires intergouvernementales. Et peut-être aussi un petit peu par Harmonium. Ça, je sais pas, parce que puisque après leur concert raté, je les ai suivis à Los Angeles. Donc, je me dis, est-ce qu'ils m'ont invité? Je m'en rappelle plus trop. Mais bon, mais l'important, c'était que, bon, Michel Roy trouvait ça important de m'envoyer là. Et moi, j'étais vraiment contente. C'était surtout ce qui était bien. Bon, je connaissais Harmonium. J'avais fait, donc, j'avais couvert leur concert. Oui. Et, mais bon, René Lévesque étant là, il y avait comme tout à coup une espèce de prestige accru. Oui. Et c'est... Puis avant de parler de ce fameux concert raté, encore un petit mot, parce que ça commence à être loin déjà dans le temps, mais il y a une petite hésitation, mais quand on décide de choisir Harmonium, on mise vraiment sur le bon joueur, parce que faut le rappeler, mais à l'époque, c'est vraiment un groupe au Québec, en tout cas, emblématique, là, très, très, très populaire. Ah oui, complètement. C'est le groupe de l'art. Puis, je veux dire, il y avait Beau Dommage aussi à cette époque-là. Même, je me demande, mais Beau Dommage, c'était Montréal. C'était vraiment comme la jeunesse québécoise des années 70. C'est Harmonium. Et encore aujourd'hui, tous les gens qui ont l'âge de Serge Fiori et le mien, ben, tu sais, c'est vraiment la trame sonore de notre jeunesse des années 70, aussi où le nationalisme est à son pic. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on les choisit finalement. On n'est pas allé choisir, je ne sais pas trop quel groupe il y avait. Il y en avait beaucoup de groupes. Mais je veux dire, Harmonium, à ce moment-là, c'est un nom incontournable. Et puis en plus, on y vient donc à ce fameux concert qu'Harmonium doit donner à l'université, sur le campus de l'Université de Berkeley. Il y a comme une rencontre naturelle, ce groupe-là, ce qu'il représente, la musique qu'il fait avec ce public-là, ce public étudiant des années 70 en Californie. Tout est là pour que ça marche. Si jamais il y a un groupe québécois qui chante en français, c'est qu'il peut peut-être faire une percée, ce sera Harmonium à Berkeley, mais ça ne marchera pas. On écoute un petit échange, vous allez tout comprendre, puis on va revenir. René Lévesque, c'est la seule fois que vous allez rencontrer Serge Fiori durant cette semaine du Québec en Californie, mais vous allez comprendre ce qui ne marche pas. They're good. Erratic artists. I mean, the instruments are somewhere in Salt Lake City. Yeah, polybaritone. But we'll make up for it in Los Angeles. We'll showcase them at least two nights. I think they deserve it. Oh, yeah, absolutely. Ça arrive quand, vos mots de geste, c'est pour l'arrivée au milieu de cette nuit, on est comprend. Demain, vous êtes à Belmont. Ouais, mais peut-être qu'on pourra pas vous suivre. S'il arrive, tu sais... À deux heures. J'ai aimé ça, ce soir, voir ce que ça donne. Nous autres, on n'entend rien que ça. Je veux dire, il y avait tellement de motivation et tellement de. Moi, je pense que vous devriez être bon aux États-Unis aussi. Vous êtes bon un peu partout au Canada. Est-ce que oui? C'était bien. Rattrapez-vous, il reste quelques jours. Sur l'affaire, on essaie de trouver un moyen de peut-être mettre ça une semaine. Finir la semaine. Il parle de Los Angeles la semaine prochaine. Oui. C'est des choses par le moyen d'arranger ça, hein, pour la semaine prochaine. Il faut absolument faire quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. Ah, alors, je ne sais pas. Où est-ce qu'ils sont les autres? Donc, on comprend ou on devine ce qui se passe. Court échange entre René Lévesque. C'est important, ça, c'est plus qu'anecdotique. Court échange entre René Lévesque et Serge Fiori. C'est important parce que c'est à ce moment-là que la déception, elle est double. Elle est du côté d'Harmonium. Les instruments n'arrivent pas. Le camion s'est perdu à Salt Lake City. Il n'y aura pas de concert à l'Université de Berkeley. Donc, déception pour Harmonium, mais... Déception pour l'évêque là, qui mise sur ce groupe-là, qui a investi de l'argent pour... C'est sa carte de visite en Californie, puis sa foire. Ouais, c'est pas sa seule carte de visite. Je pense qu'il est très déçu. On a dit qu'ils étaient amis, Fiori et l'évêque, mais c'est pas vrai. Je veux dire, je pense que c'est probablement la première fois qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont peut-être rencontrés par la suite. Mais bon, c'est sûr qu'ils comptaient là-dessus, la jeunesse américaine, californienne qui est là. Et en même temps, bon, il y a le fait que Harmonium était un groupe très professionnel. Hein, ils avaient, puis d'ailleurs, dans le camion, il y a pour un demi-million de dollars d'équipement. Là. Mmh. Tu sais, c'était pas des petits gratteux de guitare, là, rendu là, là, ils ont fait l'heptade et tout. Et donc, c'est du monde très professionnel et c'est très bizarre, cette histoire de camion. C'est comme si c'était vraiment une organisation broche à foin et on n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé, même de toutes ces années plus tard. Le camion se perd à Salt Lake City, Nathalie. Ben oui, ça n'a aucun sens, je sais. Mais on n'a jamais su. Il y en a qui ont dit que c'était un complot fédéraliste. Non, moi, je ne crois pas trop au complot. Mais je ne sais pas, peut-être que dans l'organisation, ils ont engagé la mauvaise compagnie ou une compagnie qui était broche à foin, ils ne savaient pas. Tout ce qu'on sait, c'est que finalement, le camion s'est rendu à Los Angeles, mais il y a eu comme, à un moment donné, un court-circuit quelque part. Et c'est vraiment dommage. En même temps, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils auraient pu... Bon, OK, ils n'avaient pas leurs instruments, mais ils auraient peut-être pu en louer quand même. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'instruments à Berkeley ou à San Francisco quand même. C'est des villes culturelles et tout ça. Il y avait plein de musiciens. Puis on dirait que ça, c'était leur côté puriste, hein? Leur côté un peu jusqu'au boutiste. Mm-hmm. Non, on veut nos instruments parce qu'on veut jouer dans des conditions optimales, puis on ne peut que le faire avec nos instruments. Et on voit d'ailleurs dans le film de l'ONF, on voit Paul Dupont-Hébert, qui est leur gérant, essayer de pousser, dire, ben oui, mais peut-être on peut, tu sais, rapporter des instruments. Eux autres, ils veulent rien savoir. Ouais. C'est leurs instruments ou rien du tout. Et même, en fait, parce que le même Paul Dupont-Hébert va dire au groupe... À partir du moment où ils doivent faire leur deuil du concert sur le campus de l'Université de Berkeley, il dit « Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se tourner de bord. » Puis il dit « Faut que vous chantiez. On est en Californie. » Puis là, même, on le voit dans le film de Robert Fortier, il y a un peu de résistance de certains musiciens d'harmonium. « Ouais, mais on va aller chanter. On va pas chanter n'importe où. » Parce que finalement, ils vont chanter dans une boîte de nuit. Là. C'est ce qui va les attendre. Mais ça, je pense que c'était tout à fait prévu. Là. Ils devaient faire, après Berkeley, ils s'en allaient à LA, au Starwood, qui est un petit club d'à peu près 700 places, qui, en fait, était assez bizarre. C'était un club où c'était surtout à cette époque-là, du heavy metal ou du punk. Alors, qu'est-ce que Harmonium, avec ses harmonies planantes, venait faire là-dedans, je ne sais pas, mais on le voit dans le film, le concert. Et le concert est excellent parce que ce sont d'excellents musiciens. Ils sont très tight et vraiment, ils ont donné un super concert au Starwood. Mais bon, qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné, finalement. Et qui est là, de fait, Nathalie, au Starwood? Parce qu'on comprend qu'à Berkeley, sur le campus, il y avait eu les billets étaient vendu, là. Il y avait, encore une fois, une rencontre probable et naturelle. Ouais. Mais dans cette boîte de nuit de Los Angeles, c'est un petit peu un ovni, l'harmonium qui débarque là. Qui est là ce soir-là? Il y a deux soirs. Oui, c'est ça. J'y étais. Alors, le club n'était pas entièrement plein, mais quand même, il y avait du monde. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de Canadiens qui vivent donc à LA. Tu sais, les délégations, les ambassades délèguent du monde pour remplir la salle. Et d'ailleurs, dans le film donc, de Robert Fortier, ceux qui sont interviewés, c'est tous des Canadiens. Oui. Fait que, on comprend que, bon, ils ont un petit peu rempli la salle, mais je me souviens que c'était quand même un super concert. Ils étaient très bons, ils étaient très inspirés, ils étaient contents enfin de jouer. Ça a été un super bon show, mais ça a été aussi, qu'est-ce qu'on dit, une espèce de coup d'épée dans l'eau, parce que, bon, il n'y a pas eu de suite à tout ça. Oui. Ben, on écoute justement un extrait de ce documentaire de Robert Fortier pour revivre un petit peu cette atmosphère des deux concerts d'harmonium au Starwood en 78. Et ton vieux, un soir on se regarde dans les yeux, un soir on prend un bon coup de toi et d'eux, on trouve nos vieilles nuits magiques, parce qu'il n'y a plus de musique qui n'est pas faite en plastique, comme un ballon qui tourne toujours en rond. C'est fun, tu es content? Ben oui, cool. I'm sure now that, you know, a lot of things can happen with these people. It's just, you know, it's a question of being yourself. Now, we didn't do any funny compromise or anything. Je suis bien content. Oh, c'est spécial. On a arraché pour venir jusqu'ici, là. Puis, enfin, tu sais, il y a de la musique qui se passe, puis, bien. It was just totally great. It was fantastic. I enjoyed it tremendously. I did not understand what the wording, but it didn't matter. It would be nice to hear a song in English, but otherwise it was really nice. As far as, like, you know, the music industry is concerned, it's going to be a big problem. Everybody's going to say, you know, why don't they play in English? They'll never sell. Entendre Nathalie Petrovski, c'est il y a tout là-dedans, dans ces deux oui. minutes ou quelques, il y a tout, il y a la musique qu'ils font sur scène au Starwood, il y a oui effectivement beaucoup de Canadiens qui sont là qu'on entend réagir, il y a le problème de la langue, il y a tout dans ce qu'on vient d'entendre. Oui, et il y a Serge Fiori qui dit qu'il pense que ça peut marcher aux États-Unis. Bon, et tandis que l'autre qui dit que ça va être un gros problème, la langue. Et j'aime l'idée que bon, ils veulent pas de compromis. On veut chanter, on veut réussir aux États-Unis, mais en français. Et le problème là-dedans, je trouve ça beau quand même. Je trouve ils avaient de l'ambition, ils avaient des rêves. Et je pense qu'à cette époque-là, on pensait tous, tu sais, il y avait une espèce de truc, on parlait de pénétration culturelle de la culture québécoise, et on pensait que ce serait peut-être possible. En fait, ça n'a pas été possible. Ben, ce qui s'est passé, en fait, c'est-à-dire que si la deuxième langue aux États-Unis avait été le français plutôt que l'espagnol, peut-être qu'ils auraient pu réussir. Mais malheureusement, ben, c'est le français, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quand même, mais ce n'était pas possible en français. Et on a vu, leurs enfants à Harmonium, ben, c'est Simple Plan, puis c'est Céline Dion aussi, qui ont réussi aux États-Unis, mais en chantant en anglais et en ressemblant beaucoup à des Américains. À son musique plutôt qu'à, qu'à la culture québécoise. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est dommage, mais c'était quand même... c'était un beau rêve, je trouve. Et puis ben, c'est bien. Harmonium a existé. Ils existent encore pour ma génération, en fait. Ouais. Moi, quand j'entends une de leurs chansons, ça me replonge tout de suite. Puis c'est ça. Puis bon, le monde a changé, puis on est ailleurs, mais c'est pas grave. Ça a existé, puis c'est important. Ouais. Mais encore une fois, avec le temps, avec le recul du temps, ce qui est intéressant dans ce voyage, qui est un petit peu devenu mythique et légendaire d'Harmonium en Californie, c'est au-delà de cet échec-là pour eux, c'est au fond, malgré Céline Dion, malgré Simple Plan, puis il y en a d'autres, mais qui chantent en anglais, qui font une musique qui n'a rien de proprement québécoise. Ce qui est intéressant, et ce que déjà on voit avec Harmonium, c'est que personne, au fond, Nathalie Petrovski, a réussi en chanson. Aucun Québécois a réussi à vraiment gagner ce marché-là en étant, pour revenir à ce qu'effectivement Fiori disait, en faisant aucun compromis, en étant ce qu'il est profondément. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais en fait, des artistes latinos l'ont fait parce que il y a beaucoup beaucoup de gens qui parlent espagnol. Il y a des villes entièrement espagnoles aux États-Unis. Alors, c'est ça que ça change la donne. Mais en français, ça peut être une curiosité. Oui, on peut, il y a des groupes qui vont jouer comme ça en français, mais ça reste très marginal, finalement. C'est un beau rêve. Oui, c'est effectivement un beau rêve. Quel impact ça va avoir, cela dit, pour le groupe, pour Harmonium, cet échec de la Californie, parce que très peu de temps après, c'est la dissolution du groupe. En même temps, on entend dans l'extrait qu'on vient de présenter, Serge Fiori, puis vous l'évoquez, qui dit je pense qu'on va pouvoir, il y a plein de choses à faire avec ce marché-là, avec ce public-là, comme s'il y croyait, alors que peu de temps après, c'est fini pour Harmonium. Ben oui, c'est ça qui est un peu bizarre, mais moi, je pense pas que je vois de cause à effet entre ce voyage-là et la fin d'Harmonium. Je pense que Fiori était épuisé physiquement, mais aussi moralement, parce qu'il faut dire, ce groupe emblématique, lui, il était le gourou. Là, je veux dire, le monde se prosternait au Québec. Les jeunes étaient fous de lui. C'était comme le... Et je pense que c'était très lourd pour lui. Alors, de porter tout ça, puis bon, l'heptade, ça avait fait une espèce d'événement, tout ça. Tout ça est devenu lourd. D'ailleurs, quand ils sont rentrés, il a pris une pause, mais il n'a pas arrêté puisqu'il est allé faire le disque de Fiori Séguin. Oui. Puis j'ai l'impression que, bon, en cours de route, là, tout le monde s'est comme un petit peu perdu. Et puis, ben, ça a été la fin. Ça a été comme si Harmonium était vraiment le groupe d'une époque. Oui. Et c'est vrai. Mais quand même, on peut être le groupe d'une époque et être un groupe marquant. C'est ce qu'ils ont été. Mais je ne pense pas que ce voyage-là était à la source de, après ça, de la rupture d'Harmonium. Je pense que tout ça, ça couvait depuis un certain temps, cette fatigue, l'espèce d'ampleur que ça prenait, puis c'était comme ça se gérait mal, ils étaient nombreux, tout ça. Ouais. Alors, c'est ça. Des suites, est-ce qu'il y en a eu? De deux manières, je dirais, les traces que ça a laissées. Il y a comme encore une fois une espèce de mythe autour de ce voyage-là, mais durablement, de quelle façon ça a marqué ou pas la culture québécoise? Première question. Puis deuxièmement, les traces possibles, le gouvernement investit pas mal, il y a eu des histoires de poursuites, mais les suites de ce voyage-là, ça va ressembler à quoi? Ben, les suites, en fait, je pense que l'idée de percer aux États-Unis, d'avoir une carrière américaine, je pense que c'est assez paradoxalement, ça a accompagné toute cette fièvre nationaliste, parce qu'on avait comme envie de traverser les frontières, d'éclater ailleurs aussi, et ça a donné toutes sortes de résultats, puis ça a donné Céline Dion quand même, je veux dire, elle avait le même rêve américain que Harmonium, sauf qu'elle, elle était prête à faire plein de compromis, ce qu'eux ne voulaient pas faire. Mais je veux dire, les États-Unis, c'est juste à côté de chez nous. Hein. L'Europe, c'est loin. Alors, c'était comme une espèce de penchant naturel d'aller dans ce marché-là, de le conquérir. Et puis c'est tout. Ça n'a pas tout à fait marché de la façon dont ils voulaient, mais ça a marché autrement. Et puis, Harmonium, bon, est passé à d'autres choses. Tous les musiciens sont passés à d'autres choses. Et puis, il y a eu d'autres musiques... Et c'est ça. Oui. Et c'est hein, les époques évoluent et puis les temps changent et puis les groupes changent aussi. Nathalie Petrovski, merci en tout cas d'être venue vous souvenir de ouais. cette période, de ce voyage. Un beau souvenir. Ouais. Un beau souvenir. Puis en plus, j'étais jeune. C'est le fun, ça. Jeune et belle. N'est-ce hein? pas? Les gens pourront voir le documentaire ouais. de Robert Fortier. Vous êtes dans le documentaire. Ouais. Petit clin d'œil comme ça. Ouais. Nathalie Petrovski, merci beaucoup. On vous écoute cet été avec Michel Lacombe à l'émission OK Boomer le samedi à 14h. Merci Nathalie et bon été. Merci, bon été à vous aussi. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Fanny Leblanc et Yvette Kéméré, au site internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.